tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Solamente una vez, amé en la vida. Solamente una vez, y nada más. Una vez nada más, en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Solamente una vez se entrega el alma. Soy total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Pode ser saudade. pode ser saudade, pode ser saudade. Pode ser saudade, pode ser saudade. Pode ser saudade, pode ser saudade. Está a ouvir Ouro e Platina. Giornata e sole, ma no,

of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. 'Cause I am your lady, and you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all that I can. Lost is how I'm feeling. Gostou da música que ouviu? Pois a que vem a seguir é ainda melhor. Nous commençons.